Le pouvoir des tribuns. Le pouvoir des tribuns n'était pas de même nature que l'autorité du magistrat. Il ne dérivait pas du culte de la cité. Le tribun n'accomplissait aucune cérémonie religieuse. Il était élu sans auspice, et l'assentiment des dieux n'était pas nécessaire pour le créer. Il n'avait ni siège, curule, ni robe de pourpre, ni couronne de feuillage, ni aucun de ces insignes qui, dans toutes les cités anciennes, désignaient à la vénération des hommes les magistrats prêtres. Jamais on ne le compta parmi les magistrats romains. Quelle était donc la nature et quel était le principe de son pouvoir? Il est nécessaire ici d'écarter de notre esprit toutes les idées et toutes les habitudes modernes, et de nous transporter autant qu'il est possible au milieu des croyances des anciens. Jusque-là, les hommes n'avaient compris l'autorité que comme un appendice du sacerdoce. Lors donc qu'ils voulurent établir un pouvoir qui ne fût pas lié au culte et des chefs qui ne fussent pas des prêtres, il leur fallut imaginer un singulier détour. Pour cela, le jour où l'on créa les premiers tribuns, on accomplit une cérémonie religieuse d'un caractère particulier. Les historiens n'en décrivent pas les rites. Ils disent seulement qu'elle eut pour effet de rendre ces premiers tribuns sacro-saints. Or ce mot signifiait que le corps du tribun serait compté dorénavant parmi les objets auxquels la religion interdisait de toucher, et dont le seul contact faisait tomber l'homme en état de souillure. Suivant Tite Livre, l'épithète de sacro-sanctus ne serait pas d'abord appliquée au tribun, mais à l'homme qui portait atteinte à la personne du tribun. De là venait que si quelque dévot de Rome, quelque patricien rencontrait un tribun sur la voie publique, il se faisait un devoir de se purifier en rentrant dans sa maison, comme si son corps eût été souillé par cette seule rencontre. Ce caractère sacro-saint restait attaché au tribun pendant toute la durée de ses fonctions. Puis, en créant son successeur, il lui transmettait ce caractère, exactement comme le consul, en créant d'autres consuls, leur passait les auspices et le droit d'accomplir les rites sacrés. Plus tard, le tribunal ayant été interrompu pendant 2 ans, il fallut pour établir de nouveaux tribuns renouveler la cérémonie religieuse qui avait été accomplie sur le mont sacré. On ne connaît pas assez complètement les idées des anciens pour dire si ce caractère sacro-saint rendait la personne du tribun honorable aux yeux des patriciens, ou la posait au contraire comme un objet de malédiction et d'horreur. Cette seconde conjecture est plus conforme à la vraisemblance. Ce qui est certain, c'est que de toute manière le tribun se trouvait tout à fait inviolable, la main du patricien ne pouvant le toucher sans une impiété grave. Une loi confirma et garantit cette inviolabilité. Elle prononça que nul ne pouvait violenter un tribun, ni le frapper, ni le tuer. Elle ajouta que celui qui se permettrait un de ses actes vis-à-vis du tribun serait impur, que ses biens seraient confisqués au profit du temple de Cérès, et qu'on pourrait le tuer impunément. Elle se terminait par cette formule dont le vague aida puissamment au progrès futur du tribunal. Ni magistrat ni particulier n'aura le droit de rien faire à l'encontre d'un tribun. Tous les citoyens prononcèrent un serment, par lequel ils s'engageaient à observer toujours cette loi étrange, appelant sur eux la colère des dieux s'ils la violaient, et ajoutant que quiconque se rendrait coupable d'attentat sur un tribun serait entaché de la plus grande souillure. Ce privilège d'inviolabilité s'étendait aussi loin que le corps du tribun pouvait étendre son action directe. Un plébéien était-il maltraité par un consul qui le condamnait à la prison, par un créancier qui mettait la main sur lui, le tribun se montrait, se plaçait entre eux intercessio, et arrêtait la main patricienne. Qui eût osé faire quelque chose à l'encontre d'un tribun ou s'exposer à être touché par lui? Mais le tribun exerçait cette singulière puissance que là où il était présent. Loin de lui, on pouvait maltraiter les plébéiens. Il n'avait aucune action sur ce qui se passait hors de la portée de sa main, de son regard, de sa parole. Les patriciens n'avaient pas donné à la plèbe des droits. Ils avaient seulement accordé que quelques-uns des plébéiens fussent inviolables. Toutefois, c'était assez pour qu'il y eût quelque sécurité pour tous. Le tribun était une sorte d'hôtel vivant auquel s'attachait un droit d'asile. Les tribuns devinrent naturellement les chefs de la plèbe et s'emparèrent du droit de juger. À la vérité, ils n'avaient pas le droit de citer devant eux, même un plébéien, mais ils pouvaient appréhender au corps. Une fois sous leurs mains, l'homme obéissait. Il suffisait même de se trouver dans le rayon où leur parole se faisait entendre. Cette parole était irrésistible, et il fallait se soumettre, fût-on patricien ou consul. Le tribun n'avait d'ailleurs aucune autorité politique. N'étant pas magistrat, il ne pouvait convoquer ni les curies ni les centuries. Il n'avait aucune proposition à faire dans le Sénat. On ne pensait même pas, à l'origine, qu'il y pût paraître. Il n'avait rien de commun avec la véritable cité, c'est-à-dire avec la cité patricienne, où on ne lui reconnaissait aucune autorité. Il n'était pas tribun du peuple, il était tribun de la plèbe. Il y avait donc, comme par le passé, deux sociétés dans Rome, la cité et la plèbe. L'une fortement organisée, ayant des lois, des magistrats, un sénat. L'autre, qui restait une multitude sans droit ni loi, mais qui dans ses tribuns inviolables trouvait des protecteurs et des juges. Dans les années qui suivent, on peut voir comme les tribuns sont hardis, et quelles licences imprévues ils se permettent. Rien ne les autorisait à convoquer le peuple, ils le convoquent. Rien ne les appelait au Sénat, ils s'asseyent d'abord à la porte de la salle, plus tard dans l'intérieur. Rien ne leur donnait le droit de juger des patriciens, ils les jugent et les condamnent. C'était la suite de cette inviolabilité qui s'attachait à leur personne sacro-sainte. Toute force tombait devant eux. Le patriciat s'était désarmé le jour où il avait prononcé avec les rites solennels que quiconque toucherait un tribun serait impur. La loi disait « On ne fera rien à l'encontre d'un tribun ». Donc, si ce tribun convoquait la plèbe se réunissait, et nul ne pouvait dissoudre cette assemblée que la présence du tribun mettait hors de l'atteinte du patriciat et des lois. Si le tribun entrait au Sénat, nul ne pouvait l'en faire sortir. S'il saisissait un consul, nul ne pouvait le dégager de ses mains. Rien ne résistait ou hardiait ce d'un tribun. Contre un tribun, nul n'avait de force, si ce n'était un autre tribun. Dès que la plèbe eut ainsi ses chefs, elle ne tarda guère à avoir ses assemblées délibérantes. Celles-ci ne ressemblèrent en aucune façon à celles de la cité patricienne. La plèbe, dans ses comices, était distribuée en tribus. C'était le domicile qui réglait la place de chacun. Ce n'était ni la religion, ni la richesse. L'assemblée ne commençait pas par un sacrifice. La religion n'y paraissait pas. On n'y connaissait pas les présages, et la voix d'un augure ou d'un pontife ne pouvait pas forcer les hommes à se séparer. C'étaient vraiment les comices de la plèbe, et ils n'avaient rien des vieilles règles ni de la religion du patriciat. Il est vrai que ces assemblées ne s'occupaient pas d'abord des intérêts généraux de la cité. Elles ne nommaient pas de magistrats et ne portaient pas de loi. Elles ne délibéraient que sur les intérêts de la plèbe, ne nommaient que les chefs plébéiens et ne faisaient que des plébiscites. Il y eut longtemps à Rome une double série de décrets, senatus consultes pour les patriciens, plébiscite pour la plèbe. Ni la plèbe n'obéissait aux senatus consultes, ni les patriciens aux plébiscites. Il y avait deux peuples dans Rome. Ces deux peuples, toujours en présence et habitant les mêmes murs, n'avaient pourtant presque rien de commun. Un plébéien ne pouvait pas être consul de la cité, ni un patricien tribun de la plèbe. Le plébéien n'entrait pas dans l'assemblée par curie, ni le patricien dans l'assemblée par tribus. Il est bien entendu que nous parlons des premiers temps. Les patriciens étaient inscrits dans les tribus, mais ils ne figuraient sans doute pas dans les assemblées qui se réunissaient sans auspice et sans cérémonie religieuse, et auxquelles ils ne reconnurent longtemps aucune valeur légale. C'étaient deux peuples qui ne se comprenaient même pas, n'ayant pas pour ainsi dire d'idées communes. Si le patricien parlait au nom de la religion et des lois, le plébéien répondait qu'il ne connaissait pas cette religion héréditaire, ni les lois qui en découlaient. Si le patricien alléguait la sainte coutume, le plébéien répondait au nom du droit de la nature. Ils se renvoyaient l'un à l'autre le reproche d'injustice. Chacun d'eux était juste d'après ses propres principes, injuste d'après les principes et les croyances de l'autre. L'assemblée des curies et la réunion des patresses semblait aux plébéiens des privilèges odieux. Dans l'assemblée des tribus, le patricien voyait un conciliabule réprouvé de la religion. Le consulat était pour le plébéien une autorité arbitraire et tyrannique. Le tribunal était aux yeux du patricien quelque chose d'impie, d'anormal, de contraire à tous les principes. Il ne pouvait comprendre cette sorte de chef qui n'était pas un prêtre et qui était élu sans auspice. Le tribunal dérangeait l'ordre sacré de la cité. Il était ce qu'est une hérésie dans une religion. Le culte public en était flétri. « Les dieux nous seront contraires, disait un patricien, tant que nous aurons chez nous cet ulcère qui nous ronge et qui étend la corruption à tout le corps social. » L'histoire de Rome, pendant un siècle, fut remplie de pareils malentendus entre ces deux peuples, qui ne semblaient pas parler la même langue. Le patriciat persistait à retenir la plèbe en dehors du corps politique. La plèbe se donnait des institutions propres. La dualité de la population romaine devenait de jour en jour plus manifeste. Il y avait pourtant quelque chose qui formait un lien entre ces deux peuples, c'était la guerre. Le patriciat n'avait eu garde de se priver de soldats. Il avait laissé aux plébéiens le titre de citoyen, ne fût-ce que pour pouvoir les incorporer dans les légions. On avait d'ailleurs veillé à ce que l'inviolabilité d'être humain ne s'étendît pas hors de Rome. Et pour cela, on avait décidé qu'un tribun ne sortirait jamais de la ville. À l'armée, la plèbe était donc sujette. Et il n'y avait plus double pouvoir. En présence de l'ennemi, Rome redevenait une. Puis, grâce à l'habitude prise après l'expulsion des rois de réunir l'armée pour la consulter sur les intérêts publics ou sur le choix des magistrats, il y avait des assemblées mixtes où la plèbe figurait à côté des patriciens. Or, nous voyons clairement dans l'histoire que ces comices, par centurie, prirent de plus en plus d'importance et devinrent insensiblement ce qu'on appela les grands comices. En effet, dans le conflit qui était engagé entre l'assemblée par curie et l'assemblée par tribu, il paraissait naturel que l'assemblée centuriate devint une sorte de terrain neutre, où les intérêts généraux fussent débattus de préférence. Le plébéien n'était pas toujours un pauvre. Souvent, il appartenait à une famille qui était originaire d'une autre ville, qui y avait été riche et considérée, et que le sort de la guerre avait transporté à Rome sans lui enlever la richesse, ni ce sentiment de dignité qui d'ordinaire l'accompagne. Quelquefois aussi le plébéien avait pu s'enrichir par son travail, surtout au temps des rois. Lorsque Servius avait partagé la population en classes, d'après la fortune, quelques plébéiens étaient entrés dans la première. Le patriciat n'avait pas osé, ou n'avait pas pu abolir cette division en classes. Il ne manquait donc pas de plébéiens qui combattaient à côté des patriciens dans les premiers rangs de la Légion et qui votaient avec eux dans les premières centuries. Cette classe riche, fière, prudente aussi, qui ne pouvait pas se plaire aux troubles et devait les redouter, qui avait beaucoup à perdre si Rome tombait et beaucoup à gagner si elle s'élevait, fut un intermédiaire naturel entre les deux ordres ennemis. Il ne paraît pas que la plèbe ait éprouvé aucune répugnance à voir s'établir en elle les distinctions de la richesse. 36 ans après la création du tribunal, le nombre des tribuns fut porté à 10, afin qu'il y en eût 2 de chacune des 5 classes. La plèbe acceptait donc et tenait à conserver la division que Servius avait établie, et même la partie pauvre, qui n'était pas comprise dans les classes, ne faisait entendre aucune réclamation. Elle laissait aux plus aisés leurs privilèges, et n'exigeait pas qu'on choisît aussi chez elle des tribuns. Quant aux patriciens, ils s'effrayaient peu de cette importance que prenait la richesse, car ils étaient riches aussi. Plus sages ou plus heureux que les eupatrides d'Athènes, qui tombèrent dans le néant le jour où la direction de la société appartint à la richesse, les patriciens ne négligèrent jamais ni l'agriculture, ni le commerce, ni même l'industrie. Augmenter leur fortune fut toujours leur grande préoccupation. Le travail, la frugalité, la bonne spéculation furent toujours leurs vertus. D'ailleurs, chaque victoire sur l'ennemi, chaque conquête agrandissait leurs possessions. Aussi ne voyaient-ils pas un très grand mal à ce que la puissance s'attachât à la richesse. Les habitudes et le caractère des patriciens étaient tels qu'ils ne pouvaient pas avoir de mépris pour un riche, fût-il de la plèbe. Le riche plébéien approchait d'eux, vivait avec eux. Maintes religions d'intérêt ou d'amitié s'établissaient. Ce perpétuel contact amenait un échange d'idées. Le plébéien faisait peu à peu comprendre aux patriciens les vœux et les droits de la plèbe. Le patricien finissait par se laisser convaincre. Il arrivait insensiblement à avoir une opinion moins ferme et moins hautaine de sa supériorité. Il n'était plus aussi sûr de son droit. Or, quand une aristocratie en vient à douter que son empire soit légitime, ou qu'elle n'a plus le courage de le défendre, ou elle le défend mal, dès que les prérogatives du patricien n'étaient plus un article de foi pour lui-même, on peut dire que le patricien était à moitié vaincu. La classe riche paraît avoir exercé une action d'un autre genre sur la plèbe, dont elle était issue et dont elle ne se séparait pas encore. Comme elle avait intérêt à la grandeur de Rome, elle souhaitait l'union des deux ordres. Elle était d'ailleurs ambitieuse. Elle calculait que la séparation absolue des deux ordres bornait à jamais sa carrière, en l'enchaînant pour toujours à la classe inférieure, tandis que leur union lui ouvrait une voie dont on ne pouvait pas voir le terme. Elle s'efforça donc d'imprimer aux idées et aux vœux de la plèbe une autre direction. Au lieu de persister à former un ordre séparé, au lieu de se donner péniblement des lois particulières que l'autre ordre ne reconnaîtrait jamais, au lieu de travailler lentement par ses plébiscites à faire des espèces de lois à son usage et à élaborer un code qui n'aurait jamais de valeur officielle, elle lui inspira l'ambition de pénétrer dans la cité patricienne et d'entrer en partage des lois, des institutions, des dignités du patricien. Les désirs de la plèbe tendirent alors à l'union des deux ordres sous la condition de l'égalité. La plèbe, une fois entrée dans cette voie, commença par réclamer un code. Il y avait des lois à Rome, comme dans toutes les villes, lois invariables et saintes, qui étaient écrites et dont le texte était gardé par les prêtres. Mais ces lois qui faisaient partie de la religion ne s'appliquaient qu'aux membres de la cité religieuse. Le plébéien n'avait pas le droit de les connaître, et l'on peut croire qu'il n'avait pas non plus le droit de les invoquer. Ces lois existaient pour les curies, pour les gentes, pour les patriciens et leurs clients, mais non pour d'autres. Elle ne reconnaissait pas le droit de propriété à celui qui n'avait pas de sacra. Elle n'accordait pas l'action en justice à celui qui n'avait pas de patron. C'est ce caractère exclusivement religieux de la loi que la plèbe voulut faire disparaître. Elle demanda non seulement que les lois fussent mises en écrit et rendues publiques, mais qu'il y eût des lois qui fussent également applicables aux patriciens et à elle. Il paraît que les tribuns voulurent d'abord que ces lois fussent rédigées par des plébéiens. Les patriciens répondirent qu'apparemment, les tribuns ignoraient ce que c'était qu'une loi, car autrement ils n'auraient pas exprimé cette prétention. « Il est de toute impossibilité, disait-il, que les plébéiens fassent des lois. Vous qui n'avez pas les auspices, vous qui n'accomplissez pas d'actes religieux, qu'avez-vous de commun avec toutes les choses sacrées, parmi lesquelles il faut compter la loi ?» Cette pensée de la plèbe paraissait monstrueuse aux patriciens. Aussi leurs vieilles annales, que Tite Live et Denise consultaient en cet endroit de leur histoire, mentionnaient-elles d'affreux prodiges, le ciel en feu, des spectres voltigeant dans l'air, des pluies de sang. Le vrai prodige était que des plébéiens eussent la pensée de faire des lois. Entre les deux ordres dont chacun s'étonnait de l'insistance de l'autre, la République resta 8 années en suspens. Puis les tribuns trouvèrent un compromis. « Puisque vous ne voulez pas que la loi soit écrite par les plébéiens, dirent-ils, choisissons les législateurs dans les deux ordres. » Par là, ils croyaient qu'en cédait beaucoup. C'était peu à l'égard des principes si rigoureux de la religion patricienne. Le Sénat répliqua qu'il ne s'opposait nullement à la rédaction d'un code, mais que ce code ne pouvait être rédigé que par des patriciens. On finit par trouver un moyen de concilier les intérêts de la plèbe avec la nécessité religieuse que le patricien invoquait. On décida que les législateurs seraient tous patriciens, mais que leur code, avant d'être promulgué et mis en vigueur, serait exposé aux yeux du public et soumis à l'approbation préalable de toutes les classes. Ce n'est pas ici le moment d'analyser le code des décemvirs. Il importe seulement de remarquer dès à présent que l'œuvre des législateurs, préalablement exposée au forum, discutée librement par tous les citoyens, fut ensuite acceptée par les comices centuriates, c'est-à-dire par l'assemblée où les deux ordres étaient confondus. Il y avait en cela une innovation grave. Adoptée par toutes les classes, la même loi s'appliqua désormais à toutes. On ne trouva pas dans ce qui nous reste de ce code un seul mot qui implique une inégalité entre le plébéien et le patricien, soit pour le droit de propriété, soit pour les contrats et les obligations, soit pour la procédure. À partir de ce moment, le plébéien comparut devant le même tribunal que le patricien, agit comme lui, fut jugé d'après la même loi que lui. Or, il ne pouvait pas se faire de révolution plus radicale. Les habitudes de chaque jour, les mœurs, les sentiments de l'homme envers l'homme, l'idée de la dignité personnelle, le principe du droit, tout fut changé dans Rome. Comme il restait quelques lois à faire, on nomma de nouveau des semvires, et parmi eux, il y eut 3 plébéiens. Ainsi, après qu'on eut proclamé, avec tant d'énergie, que le droit d'écrire les lois n'appartenait qu'à la classe patricienne, le progrès des idées était si rapide qu'au bout d'une année on admettait des plébéiens parmi les législateurs. Les mœurs tendaient à l'égalité. On était sur une pente où l'on ne pouvait plus se retenir. Il était devenu nécessaire de faire une loi pour défendre le mariage entre les deux ordres, preuve certaine que la religion et les mœurs ne suffisaient plus à l'interdire, mais à peine avait-on eu le temps de faire cette loi qu'elle tomba devant une réprobation universelle. Quelques patriciens persistèrent bien à alléguer la religion. Notre sang va être souillé et le culte héréditaire de chaque famille en sera flétri. Nul ne saura plus de quel sang il est né, à quel sacrifice il appartient. Ce sera le renversement de toutes les institutions divines et humaines. Les plébéiens n'entendaient rien à ces arguments, qui ne leur paraissaient que des subtilités sans valeur. Discuter des articles de foi devant des hommes qui n'ont pas la religion, c'est peine perdue. Les tribuns répliquaient d'ailleurs, avec beaucoup de justesse, « S'il est vrai que votre religion parle si haut, qu'avez-vous besoin de cette loi ? Elle ne vous sert de rien, retirez-la, vous resterez aussi libre qu'auparavant de ne pas vous allier aux familles plébéiennes. » La loi fut retirée. Aussitôt les mariages devinrent fréquents entre les deux ordres. Les riches plébéiens furent à tel point recherchés que, pour ne parler que des Licinius, on les vit s'allier à 3 gentes patriciennes, au Fabius, au Cornelius, au Manlius. On put reconnaître alors que la loi avait été un moment la seule barrière qui sépara les deux ordres. Désormais le sang patricien et le sang plébéien se mêlèrent. Dès que l'égalité était conquise dans la vie privée, le plus difficile était fait, et il semblait naturel que l'égalité existât de même en politique. La plèbe se demanda donc pourquoi le consulat lui était interdit, et elle ne vit pas de raison pour en être écarté toujours. Il y avait pourtant une raison très forte. Le consulat n'était pas seulement un commandement, c'était un sacerdoce. Pour être consul, il ne suffisait pas d'offrir des garanties d'intelligence, de courage, de probité. Il fallait surtout être capable d'accomplir les cérémonies du culte public. Il était nécessaire que les rites fussent bien observés et que les dieux fussent contents. Or, les patriciens seuls avaient en eux le caractère sacré qui permettait de prononcer les prières et d'appeler la protection divine sur la cité. Le plébéien n'avait rien de commun avec le culte. La religion s'opposait donc à ce qu'il fût consul, nefas plebeium consulam fieri. On peut se figurer la surprise et l'indignation du patriciat quand des plébéiens exprimèrent pour la première fois la prétention d'être consul. Il sembla que la religion fut menacée. On se donna beaucoup de peine pour faire comprendre cela à la plèbe. On lui dit quelle importance la religion avait dans la cité, que c'était elle qui avait fondé la ville, elle qui présidait à tous les actes publics, elle qui dirigeait les assemblées délibérantes, elle qui donnait à la République ses magistrats. On ajouta que cette religion était, suivant la règle antique, more majorum, le patrimoine des patriciens, que ces rites ne pouvaient être connus et pratiqués que par eux, et qu'enfin les dieux n'acceptaient pas le sacrifice du plébéien. Proposer de créer des consuls plébéiens, c'était vouloir supprimer la religion de la cité. Désormais le culte serait souillé, et la cité ne serait plus en paix avec ses dieux. Le patriciat usa de toute sa force et de toute son adresse pour écarter les plébéiens de ses magistratures. Il défendait à la fois sa religion et sa puissance. Dès qu'il vit que le consulat était en danger d'être obtenu par la plèbe, il en détacha la fonction religieuse, qui avait entre autres le plus d'importance, celle qui consistait à faire la lustration des citoyens. Ainsi furent établis les censeurs. Dans un moment où il lui semblait trop difficile de résister aux vœux des plébéiens, il remplaça le consulat par le tribunat militaire. La plèbe montra d'ailleurs une grande patience. Elle attendit 75 ans que son désir fût réalisé. Il est visible qu'elle mettait moins d'ardeur à obtenir ses hautes magistratures, qu'elle n'en avait mis à conquérir le tribunat et un code. Mais si la plèbe était assez indifférente, il y avait une aristocratie plébéienne qui avait de l'ambition. Voici une légende de cette époque. Fabius Ambustus, un des patriciens les plus distingués, avait marié ses deux filles, l'une à un patricien qui devint tribun militaire, l'autre à Licinius, Stelon, Fomfor en vue, mais plébéien. Celui-ci se trouvait un jour chez sa sœur, lorsque les licteurs, amenant le tribun militaire à sa maison, frappèrent la porte de leur faisceau. Comme elle ignorait cet usage, elle eut peur. Les rires et les questions ironiques de sa sœur lui apprirent combien un mariage plébéien l'avait fait déchoir, en la plaçant dans une maison où les dignités et les honneurs ne devaient jamais entrer. Son père devina son chagrin, la consola, et lui promit qu'elle verrait un jour chez elle ce qu'elle venait de voir dans la maison de sa sœur. Il s'entendit avec son gendre, et tous les deux travaillèrent au même dessein. Cette légende nous apprend deux choses. L'une, que l'aristocratie plébéienne, à force de vivre avec les patriciens, prenait leur ambition et aspirait à leur dignité. L'autre, qu'il se trouvait des patriciens pour encourager et exciter l'ambition de cette nouvelle aristocratie, qui s'était unie à eux par les liens les plus étroits. Il paraît que Licinius et Sextius, qui s'étaient joints à lui, ne comptaient pas que la plèbe fît de grands efforts pour leur donner le droit d'être consuls, car ils crurent devoir proposer trois lois en même temps, celle qui avait pour objet d'établir qu'un des consuls serait forcément choisi dans la plèbe, était précédée de deux autres, dont l'une diminuait les dettes et l'autre accordait des terres au peuple. Il est évident que les deux premières devaient servir à échauffer le zèle de la plèbe en faveur de la troisième. Il y eut un moment où la plèbe fut trop clairvoyante. Elle prit dans les propositions de Licinius ce qui était pour elle, c'est-à-dire la réduction des dettes et la distribution de terres, et laissa de côté le consulat. Mais Licinius répliqua que les trois lois étaient inséparables et qu'il fallait les accepter ou les rejeter ensemble. La constitution romaine autorisait ce procédé. On pense bien que la plèbe aima mieux tout accepter que tout perdre. Mais il ne suffisait pas que la plèbe voulût faire des lois. Il fallait encore à cette époque que le Sénat convoquât les grands comices et qu'ensuite il confirmât le décret. Il s'y refusa pendant 10 ans. À la fin se place un événement que Tite Live laisse trop dans l'ombre. Il paraît que la plèbe prit les armes et que la guerre civile ensanglanta les rues de Rome. Le patriciat vaincu donna un senatus consulté par lequel il approuvait et confirmait à l'avance tous les décrets que le peuple porterait cette année-là. Rien n'empêcha plus les tribuns de faire voter leurs trois lois. À partir de ce moment, la plèbe eut chaque année un consul sur deux, et elle ne tarda guère à parvenir aux autres magistratures. Le plébéien porta la robe de pourpre et fut précédé des faisceaux. Il rendit la justice, il fut sénateur, il gouverna la cité et commanda les légions. Restaient les sacerdoces, et il ne semblait pas qu'on pût les enlever aux patriciens, car c'était dans la vieille religion un dogme inébranlable que le droit de réciter la prière et de toucher aux objets sacrés ne se transmettait qu'avec le sang. La science des rites, comme la possession des dieux, était héréditaire. De même qu'un culte domestique était un patrimoine auquel nul étranger ne pouvait avoir part, le culte de la cité appartenait aussi exclusivement aux familles qui avaient formé la cité primitive. Assurément, dans les premiers siècles de Rome, il ne serait venu à l'esprit de personne qu'un plébéien pût être pontife. Mais les idées avaient changé. La plèbe, en retranchant de la religion la règle d'hérédité, s'était fait une religion à son usage. Elle s'était donné des lares domestiques, des hôtels de carrefour, des foyers de tribus. Le patricien n'avait eu d'abord que du mépris pour cette parodie de sa religion. Mais cela était devenu avec le temps une chose sérieuse, et le plébéien était arrivé à croire qu'il était même au point de vue du culte et à l'égard des dieux, l'égal du patricien. Il y avait deux principes en présence. Le patricien persistait à soutenir que le caractère sacerdotal et le droit d'adorer la divinité étaient héréditaires. La plèbe affranchissait la religion et le sacerdoce de cette vieille règle de l'hérédité. Elle prétendait que tout homme était apte à prononcer la prière et que, pourvu qu'on fût citoyen, on avait le droit d'accomplir les cérémonies du culte de la cité. Elle arrivait à cette conséquence qu'un plébéien pouvait être pontife. Si les sacerdoces avaient été distincts des commandements et de la politique, il est possible que les plébéiens ne les eussent pas aussi ardemment convoités. Mais toutes ces choses étaient confondues. Le prêtre était un magistrat, le pontife était un juge. L'augure pouvait dissoudre les assemblées publiques. La plèbe ne manqua pas de s'apercevoir que sans les sacerdoces, elle n'avait réellement ni l'égalité civile, ni l'égalité politique. Elle réclama donc le partage du pontificat entre les deux ordres, comme elle avait réclamé le partage du consulat. Il devenait difficile de lui objecter son incapacité religieuse, car depuis 60 ans on voyait le plébéien, comme consul, accomplir les sacrifices. Comme censeur, il faisait la lustration. Vainqueur de l'ennemi, il remplissait les saintes formalités du triomphe. Par les magistratures, la plèbe s'était déjà emparée d'une partie des sacerdoces. Il n'était pas facile de sauver le reste. La foi au principe de l'hérédité religieuse était ébranlée chez les patriciens eux-mêmes. Quelques-uns d'entre eux invoquèrent en vain les vieilles règles et dirent « Le culte va être altéré, souillé par des mains indignes. Vous vous attaquez aux dieux mêmes. Prenez garde que leur colère ne se fasse sentir à notre ville. » Il ne semble pas que ces arguments aient eu beaucoup de force sur la plèbe, ni même que la majorité du patriciat s'en soit émue. Les mœurs nouvelles donnaient gain de cause aux principes plébéiens. Il fut donc décidé que la moitié des pontifes et des augures seraient désormais choisis parmi la plèbe. Les dignités de roi, de sacrifice, de flamine, de salien, de vestal, auxquelles ne s'attachait aucune importance politique, furent laissées sans danger aux mains du patriciat, qui resta toujours une caste sacrée, mais qui ne fut plus une caste dominante. Ce fut là la dernière conquête de l'ordre inférieur. Il n'avait plus rien à désirer. Le patriciat perdait jusqu'à sa supériorité religieuse. Rien ne le distinguait plus de la plèbe. Le patriciat n'était plus qu'un nom ou un souvenir. Les vieux principes sur lesquels la cité romaine, comme toutes les cités anciennes, étaient fondées, avaient disparu. De cette antique religion héréditaire qui avait longtemps gouverné les hommes et établi des rangs entre eux, il ne restait plus que les formes extérieures. Le plébéien avait lutté contre elle pendant 4 siècles, sous la République et sous les rois, et il l'avait vaincue.